me juger. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de ma vie? Que dalle. Ok. T'écoutes mon rap, tu vois ma gueule, puis tu deviens tout blanc. Et tu te dis, qu'est-ce qu'ils connaissent, cette espèce de bec blanc? Je connais les blocs, je connais les halls, je connais les GAV. J'ai vécu la même merde que toi, espèce de petit cave. Ma life avant de me juger. J'en connais autant que toi sur les perquises musclées. Quand les decks entrent chez Watt dans ta baraque, te traitent comme une merde, comme un prisonnier en Irak, mec. C'est ce que c'est que descendre ma rue, me note de poignet. La honte pour la mif, même une capuche sur le nez. Tout le monde te reconnaît, meilleure façon de s'afficher. Façon ça fait un bail qu'ils avaient ma face dans leur fichier. Ils ont mon ADN, mon rap c'est du réel. Et pour te le prouver, il faudrait que je passe une IRM. Merde, y'a que Dieu qui peut me juger. Je viens pas d'une grosse tête, mais bon, je les ai usés. Je déballe mes triples sur le beat, c'est pas du bidon. Je connais les embrouilles, les chromes pour du pilon. Je sais ce que c'est que de voir un frère tomber dans la coque. Et de le voir en transe quand ça commence à claquer les côtes. Je sais ce que ça fait que de manger qu'un jour sur deux. Et de voir disparaître ses potes en deux-deux. J'en ai vécu des drames, famille monoparentale. Et tu t'élèves seul vu que la maman part au taf. Chaque jour qui passe, je vis, je remercie Dieu. Depuis le jour où j'ai cru voir mon père mourir sous mes yeux. Et connais-tu l'effet de la peau sous une aiguille? Ou en trois ans pour trois membres de ta famille? J'ai perdu un bout de mes racines quand mon grand-père est mort. Et j'ai son blast tatoué sur le corps. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un puis d'être déçu. J'ai trop souffert, j'ai plus un cœur, c'est une blessure. Chacun a son parcours, chacun a son vécu. Moi je te juge pas car chacun de nous est un ange déchu. Je sais ce que c'est que de faire confiance puis de se faire couiller. Ou bien de voir un ami d'enfance essayer de me douiller. Comme moi tu le sais bien, des poteaux y'en a plein. Mais les vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main. Agnès Bay, sans qui je ne serais pas ici. Ahmed Hakim, Vitabino, Bambou et Kiki. J'oublie du monde, je ne suis pas très fort en dédicace. Mais si t'es un frère, tu sais que j'aurais dû dire ton place. Je verrai ceux qui m'aiment à mon enterrement. Et qu'ils crèvent ceux que j'ai oubliés volontairement. Moi j'ai plus rien à vous prouver.